Nous avons été informés qu'une femme avait été abandonnée par son mari avec ses enfants. Nous nous sommes rendus chez elle quelques jours plus tôt pour qu'elle nous en dise plus sur le pourquoi et le comment. Mais alors que son histoire n'avait même pas été publiée sur la toile, cette femme va nous rappeler et nous informer que son cher et tendre mari, qui l'a jeté comme une éponge il y a quelques années, était sur le point de se remarier. Son mari l'a abandonné avec leurs 5 enfants il y a quelques années de cela. Il a disparu un bon matin, ne laissant aucune information et aucune trace qui permettait de le retrouver. Après avoir été informée de sa nouvelle selon laquelle son mari s'y remariait, elle s'est précipitée du champ où elle était allée cultiver pour avoir quelque chose à manger pour elle et ses enfants, dont elle s'occupe à peine depuis le départ de son mari, pour lui demander la raison pour laquelle il avait fait ça. Mais ce qui va se passer dans l'église où se déroulait le mariage va choquer tout le monde et va nous laisser tous sans voix. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Elle nous a fait venir pour filmer et montrer au monde comment les hommes peuvent être parfois cruels. Nous avons envoyé une de nos équipes sur place et nous avons conseillé à cette femme de ne pas faire de scandale lorsque les mariés arriveront à l'église. Nous nous sommes rendus à l'église où se déroulait la cérémonie de mariage pour dans un premier temps demander les raisons de leur séparation et pourquoi ne pas ensuite essayer de les ramener à la raison. Mais lorsqu'elle a mis les yeux sur son mari, tout a dérapé. Elle ne pouvait plus se tenir. Tout était en préparation. La mariée et le marié n'étaient pas encore arrivés. Il ne restait plus que quelques minutes pour que les mariés arrivent et entrent dans la salle de l'église. Les jours des mariages sont censés marquer le début d'une nouvelle vie heureuse et partagée. Les jours des mariages sont couronnés de fêtes et de célébrations. C'est rare et surprenant qu'il puisse avoir quelque chose pour tout gâcher. Le plus beau jour de la vie de quelqu'un pourrait devenir le plus pire et le plus oubliable. Et voici un exemple. Le pasteur était sur le point de prononcer les 2 tourtereaux comme mari et femme. Et c'est alors qu'elle va s'opposer. Elle s'est opposée à cette union et a commencé à exprimer toute sa douleur devant toutes les personnes dans la salle de mariage, tout en essayant de les arrêter. Elle a interrompu le mariage en disant à tout le monde que cet homme était son mari. La mère de ses 5 enfants a dû faire preuve d'audace pour faire un tel acte. Un acte qui a laissé tout le monde sans voix. Elle ne voulait pas laisser son mari se remarier avec une autre femme. Pourtant, ils n'ont pas divorcé. Elle pleurait tout en expliquant aux gens que cet homme était son mari. Ils se sont mariés officiellement il y a des années, en leur montrant les enfants qu'ils ont eus ensemble. Elle ne voulait pas laisser son mari, le père de ses enfants, se remarier à une autre femme. C'était absolument le chaos dans l'église. Tout le monde était ébloui, se demandant ce qui se passait. Les enfants pleuraient et la mère se lamentait. À ce moment, tout était foiré. Le mari était choqué et humilié en même temps. Il était sans voix. Il n'a jamais pensé que la femme ne saurait où il se trouvait. Il a même essayé de démentir les dires de la femme, mais il était clair que c'était vrai. Les responsables de l'église ont dû immédiatement convoquer une réunion entre l'homme et la femme qui était sur le point de devenir sa nouvelle épouse. La réunion n'a pas duré assez longtemps car cette dernière va ressortir en pleurant. Bien sûr, elle ne savait pas que cet homme était marié et cela l'a profondément blessée. Hélas, le mariage n'a pas pu être célébré dans ces conditions. La femme délaissée par cet homme et qui a tout gâché a insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus revivre avec cet homme. Mais elle voulait que son mari assure ses responsabilités de père parce qu'elle souffrait pour élever tous ses enfants toute seule. La femme ne semblait plus être en sécurité après tout cela. Des agents de la police ont dû intervenir pour régler les différends. Ils ont ensuite ordonné à l'homme de remplir toutes ses responsabilités de père sous peine de sanctions judiciaires. Et le pire dans tout ça, il a abandonné cette femme lorsqu'elle était enceinte. Elle dit qu'elle a fait deux jumeaux deux fois consécutives. Après avoir su où était enfin son mari, elle voulait savoir les raisons pour lesquelles il les a délaissés, parce qu'il s'est réveillé un bon matin et a disparu sans rien dire. Elle avait du mal à subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'a même pas réussi à les inscrire à l'école, puisque même les nourrir était un problème. La vie après le départ du mari était pleine de luttes. La mère a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour les élever, tandis que l'homme est parti pour une autre femme. Après que les responsables de l'église aient su tout ça à propos de l'homme, le mariage a été automatiquement annulé. On a dit à sa femme d'aller voir les autorités locales et le tribunal pour demander justice. En espérant que les autorités fassent quelque chose et résolvent ce problème, nous espérons que tout soit résolu et l'homme fera ce qu'il a à faire. Une enquête est en cours et cet homme pourrait être poursuivi en justice. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.